Bonjour à tous, vous écoutez le podcast numéro 15 d'Youngtis et c'est aujourd'hui le mensuel de juin et juillet aussi, on va compter. Comme vous l'aurez remarqué, on a un petit retard, c'est parce que en raison de l'euro, on avait beaucoup de podcasts de soirées qui étaient prises par les matchs. Donc on a un peu décalé. Mais voilà, on est enfin disposé à faire le podcast. À mes côtés, Yaoshi, salut Yoshi. Salut, salut. Et on a Matt, salut Matt. Salut. Alors comme d'hab, vous connaissez le mensuel maintenant, on va commencer par la rubrique sport et Matt voulait nous parler de Yannick Noah. Et il a gagné Roland Garros. Non, c'est pas pour ça qu'on a parlé. Mais pour la Coupe Davis, parce que donc là, la France s'est qualifiée ce week-end contre la République Tchèque. On a gagné 3-1. Et voilà. Et je trouve qu'il instaure un petit truc un peu nouveau dans le sens où déjà tu sens qu'il est heureux comme un gamin d'être là, même qu'il vit des émotions à fond. Et surtout, il y met quelque chose de nouveau parce que voilà, il a essayé d'envoyer une nouvelle paire de doubles. Il a essayé d'envoyer Lucas Pouille et ça a bien marché. Pour moi, vraiment, il essaye quelque chose. Quoi. Et je trouve que c'est assez sympa. Et ça change de tous les sélectionneurs qu'on a eu avant, qui faisaient que du Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, quoi qu'il arrive. Quoi. Et il essayait jamais autre chose. Il essayait autre chose et pour l'instant, ça a l'air de marcher. Quoi. Et pour toi, l'équipe peut réussir à gagner cette Coupe Davis? Sur le principe, chaque année, on devrait la gagner quasiment. Donc. Oui, on doit pouvoir la gagner. Mais après, le prochain match, c'est la demi-finale. Ça va sûrement être le plus dur parce que c'est contre la Croatie, en Croatie. Mais si on la gagne, après la finale, sera en France contre une équipe, normalement, quoi qu'il arrive, abordable. Donc voilà, il faudra vraiment gagner la demi-finale et si ça passe, après oui, on devrait gagner. Mais ce que je veux dire, surtout sur Yannick Noah, le plus important, c'est qu'il a remis de la concurrence, en fait. Comme il l'a expliqué à la fin de la rencontre-là, les joueurs, maintenant, ils savent qu'il y a de la concurrence et ils savent que s'ils sont pas bons, eh ben, ils seront pas sélectionnés. J.K. Simon, en ce moment, il est pas très bon, eh ben, il l'a mis comme remplaçant et il a envoyé Lucas Pouille sur le terrain, quoi. Et je trouve que c'est important de remettre un peu de concurrence dans cette équipe et que les quatre, comme on les appelle, les quatre mousquetaires, ne se reposent pas sur leur laurier éternellement en disant, quoi qu'il arrive, c'est nous qui jouerons, quoi. Au moins, là, il y a de la concurrence et que ce soit Monfils, Gasquet ou Simon, ils sont pas du tout certains de jouer la demi-finale. Donc voilà. Très bien. Oshi, toi, tu regardes pas du tout le tennis? Je regardais un temps quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que non, j'ai plus trop le temps et le foot me prend assez de temps comme ça dans le sport. Du coup, non, ouais. Je ne suis pas du tout. Alors, comment et attention, transition de folie. Est-ce que tu regardes le Tour de France? Pas du tout, non, non plus. D'accord. Ah, bon, tu m'as foiré ma transition parce que Matt voulait évoquer maintenant le Tour de France. Bah justement, c'est pour te dire que tu as tort de rater le tennis. Ouais. Tu as raison de rater le Tour de France. voilà, non, c'est juste pour dire pour un dernier petit mot vu que c'est en ce moment, c'est vraiment décevant. Il se passe rien, tous les, le problème, alors je sais pas si c'est l'argent ou le sponsor qui tue ce sport, mais maintenant on commence le tour et on se dit que, si on est deuxième ou troisième, c'est bien, quoi. On défend une deuxième place et on cherche plus à gagner du tout. Et alors, en plus, cette année, le parcours, je le trouve mauvais parce que ça, il y a très peu d'arrivées en altitude, il y a trop, enfin, trop de contre-la-montre. Quand on sait que Froome, il atomise tout le monde en contre-la-montre, en mettant deux, déjà, on tue un peu le Tour de France. Et voilà, je trouve qu'entre le parcours qui est pas très bien et les équipes qui ont vraiment plus aucune ambition, cette année, c'est vraiment décevant avec ma petite palme d'or pour Quintana, qui a pour spécialité d'attaquer le dernier jour. Je pense que cette année, il a prévu d'attaquer après les Champs-Élysées. La semaine d'après, il attaquera chez lui. Mais voilà, c'est vraiment... Bon, malgré tout, cette année, il a l'air moins fort. Mais vraiment, de plus en plus décevant. Alors, on en parlait sur le forum hier. Certains disaient que c'était pareil il y a 5 ans, 10 ans. Mais moi, je trouvais ça plus passionnant. Vraiment, cette année, je trouve que c'est mou. Personne n'attaque, il ne se passe pas grand-chose. Très bien. C'est tout pour le Tour de France? Bah oui, à part que ils partent d'un côté de chez moi dimanche, je vais les voir. Enfin, je vais surtout voir la caravane pour gagner des cadeaux. Parce que... ouais. Donc voilà. Quel roi, celui-là. Ah, c'est gratuit, il faut en profiter. Donc voilà. On va passer au jeu vidéo, du coup. C'est Oshi qui va prendre la parole avec un jeu pas très récent, mais qui est toujours en tête des ventes. C'est un truc hallucinant, c'est Grand Theft Auto 5. Donc Oshi, je te laisse la parole sur GTA 5. Oui, donc non, bah oui, pas du tout récent, parce que bon, moi je joue sur PC, donc c'est vrai qu'il est sorti il y a qu'un an sur PC, mais il est quand même sorti il y a quasiment 2 ans, voire 3 sur PS3, sur Xbox 360. J'ai pas joué avant, du coup, parce que j'ai pas forcément une bonne carte graphique que j'ai eu il y a quelques mois, du coup je me suis enfin lancé pour qu'il tourne vraiment bien. Il tourne vraiment bien, du coup je me régale. Donc pour ceux qui connaissent pas, même s'il y en a, je pense que tout le monde connaît sur le forum, mais si pour ceux qui connaissent pas GTA, c'est une sorte de simulateur de gangster, hein. Je vois pas trop comment on pourrait le simuler, l'expliquer mieux. C'est dans un grand monde ouvert, on peut faire plein de trucs, il y a des missions, il y a des, un peu tout, faire à peu près. Ce qui change en GTA V, que je trouve vraiment très très sympa, c'est qu'on a trois personnages qu'on peut incarner, on peut passer les uns entre les autres, ils interfèrent entre eux, ils font des missions entre eux, il y a des braquages, choses comme ça, ils sont vraiment super super sympas. La carte est gigantesque, il y a des voitures de partout différentes dans tous les sens, on peut jouer au tennis ou au golf, j'ai voulu tester, j'ai joué à ça hier, au golf et au tennis dedans, dans le jeu, c'est relativement bien fait, ça a rien à vraiment à pas, ça a pas à pâlir par rapport aux simulations qui existent sur des jeux qui sont uniquement basés là-dessus. Quoi dire de plus? C'est vraiment assez prenant. Pour une fois, autant j'avais été très déçu par GTA 4 qui m'avait pas trop pris, mais j'avais joué une vingtaine d'heures. Autant ce GTA 5 là, j'ai commencé il y a quoi, une petite semaine. Je suis qu'à 15% du jeu. Il y a plein de trucs à faire dans tous les sens. C'est dans le genre bac à sable, c'est vraiment extraordinaire. Alors pour y jouer sur PC, il faut quand même une bonne machine, je pense. Parce que moi j'ai une GTX 960 en carte graphique. Ça me permet de vraiment de faire tourner tout à fond et de pouvoir vraiment me régaler. Sur console, je sais pas trop comment ça marche, mais je crois que ça avait quand même été optimisé pour la PS4 et la One. Pour ceux qui l'ont pas fait, pour qu'on vienne un jeu vraiment pour se défouler où tu peux faire n'importe quoi à la fois pendant une demi-heure si t'as envie, ou à la fois aussi si t'as envie de faire un jeu plutôt aventure, braquage, n'importe quoi. Il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment des trucs de fou. Quand on fait des braquages, on choisit un peu les personnages avec qui on veut braquer, avec qui on veut braquer des trucs, même si c'est des personnages qui sont pas jouables à la base. Quand tu les prends, que ça se passe bien, ça leur fait monter toutes les caractéristiques. Il y a un système aussi de trucs où un système de points, avec l'endurance et la conduite et tout, qui augmente plus tu en fais. Il y a plein de trucs à faire, c'est vraiment gigantesque, c'est vraiment un bac à sac monstrueux. Je me demande vraiment si on arrive à trouver pour GTA 6, pour arriver à trouver le truc un peu différent, parce que là vraiment je trouve qu'ils ont atteint le summum, on peut tout faire. J'attends vraiment de voir la suite de ce qu'ils vont pouvoir faire plus tard, parce que vraiment je trouve que c'est une sacrée qualité, quoi. Ouais, c'est un jeu qui m'a bien plu. J'ai souvent eu du mal avec les GTA, mais le scénario avec ces trois personnages, bon, Ouais, qui sont pour... inégaux, mais qui Oui. permet de varier un peu les plaisirs, je l'ai trouvé vraiment le scénario bien bien foutu. Ouais, pour une fois, effectivement, bah, quand tu dis que les premiers des ventes, je savais absolument pas qu'il était encore premier des ventes actuellement, c'est un truc de fou, mais c'est vrai que ça le vaut, parce qu'il a vraiment été mis longtemps à préparer, et il vaut vraiment vraiment le coup, ouais. Très bien, on va passer. Ça va être à mon tour. Je vais parler de Prison Architect. J'ai un peu lancé tout le monde dans Ah cette oui. galère. Donc, Prison Architect, c'est un jeu développé depuis 2012 en accès anticipé sur Steam, et il est sorti officiellement en 2015. Et il est disponible d'ailleurs sur console depuis ce mois-ci. C'est un jeu qui propose tout simplement de construire et de gérer une prison. Alors bon, c'est original, mais en plus c'est assez complet. C'est un jeu que je suivais du coin de l'œil depuis un moment, et puis j'ai craqué là pendant les soldes Steam de début juillet. Et bon, Et j'ai passé. surtout, tu nous as fait craquer. Il y en a plein qui s'y sont lancés. Alors je sais pas si les avis sont aussi dithyrambiques que le mien, mais en tout cas moi j'ai adoré. J'ai passé ouais, 70 heures, quelque chose comme ça, en 2 semaines. Quand même, ouais. C'est un jeu, ouais, c'est un bon jeu de gestion déjà de base. Mais qui en plus a des aspects assez complexes, qui on découvre en fait toujours des choses à chaque partie, on comprend nos erreurs et tout ça, et c'est vraiment vraiment très prenant. Et même le jeu a une dose d'humour avec les détenus qui sont complètement tarés, qui rivalisent d'inventivité pour introduire des armes et tout ça. C'est, alors tu te marres, c'est complexe, c'est complet, c'est vraiment un très bon jeu, quoi. Je regrette pas du tout mon achat, et je sais que j'y reviendrai une fois par an minimum. Justement, bah, du coup, je l'ai essayé aussi. Et je trouve que dernièrement, les jeux de gestion, on va dire, type Tycoon ou quoi que ce soit, ils jouent un peu trop sur la facilité. C'est vraiment des jeux faits un peu à l'arrache, quoi. Et celui-là, je le trouve vraiment complet, et vraiment, il vaut son prix quand même, quoi. C'est un bon jeu de gestion, et on a, comme tu dis, de longues heures de jeu avec. Enfin, vraiment. Ah ouais, bah le mode campagne est assez basique, il explore à peine 20% du jeu, même s'il donne des bases, mais ça fait déjà 15 heures de jeu. Après, quand tu veux faire une bonne prison, c'est minimum 20 heures aussi, quoi. C'est le temps, tu le sens pas passer du tout, quoi. Non, c'est clair. Voilà donc Prison Architect, il est disponible, il est assez régulièrement en solde, hein, donc vous pouvez le trouver à 6 ou 7 euros régulièrement. Et à ce prix-là, franchement, ça vaut vachement le coup. Pour peu qu'on aime les jeux de gestion, quoi. Et Matt, tu vas nous parler de Démocratie 3, qui est un jeu de gestion aussi, je crois. Ouais, bah du coup, quand j'ai acheté Prison Architect, j'ai fait le plein, j'ai fait 4 jeux. Donc au moins, j'aurai 2 autres jeux à parler dans les 2 prochains podcasts. Mais et du coup, Démocratie 3, je l'ai pris. C'est pareil, il était à 2 ou 3 euros, donc voilà. Et donc c'est un jeu de gestion politique, on va dire. C'est un jeu de, je sais pas comment on dit, de tour, en fait. Je sais pas c'est quoi le mot exact. On fait une autre action, on passe un tour, on fait notre action, on passe un tour, en fait. Et alors, pour l'instant, j'ai stratégie juste... tour par tour, en général, ou... Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai juste essayé, pour l'instant, le mode normal, qui est un peu trop facile, parce que j'ai été réélu avec 91% des voix. Comme quoi, la dictature, ça marche. Mais non, mais franchement, il est assez complet. On peut vraiment toucher à tout. C'est assez sympathique. On voit tout de suite les réactions. On voit que dès qu'on veut changer quelque chose, il y a des gens contents, il y a des gens mécontents. J'ai essayé de faire une partie à un moment, je me suis fait assassiner. Enfin, vraiment, c'est sympa, c'est assez complet, quoi. Alors après, je sais pas sur la durée. Là, ça fait 3-4 jours que j'ai pas rejoué. Faudrait voir sur la durée, mais c'est sympa de faire les trucs en fonction de, essayer de changer, d'augmenter tel truc, etc. Et tout de suite, tu vois les réactions des gens contents, les gens mécontents. Bizarrement, quand j'ai mis l'allocation adulte handicapé à 6 000 €, les gens étaient pas contents. J'ai pas compris pourquoi, mais sinon, c'est assez handicapé, peut-être. Oui, eux, ils étaient contents, mais ils sont pas assez nombreux, par contre. C'est dans un pays imaginaire ou ça reprend des pays? Non, là, j'étais en France, moi. Ah, d'accord. Donc, ah ouais, donc ça reprend un peu les politiques locales et, enfin. Ouais, c'est ça, après, tu choisis. Donc, moi, pour être collé au réalisme, on va dire, j'avais choisi Parti Socialiste. Opposant, alors, tu peux choisir qu'un seul opposant, alors qu'il y en a plusieurs. Donc, opposant, bah, j'avais mis UMP ou les Républicains, je sais pas, vous les appelez comme vous voulez. Et du coup, voilà, c'est, il y a les vrais noms. Alors, dans le jeu de base, il y a que 6 pays, je crois. France, Angleterre, États-Unis, Australie, il doit y en avoir un autre. Ils ont l'Allemagne déjà. Ils ont fait une version Afrique pour gérer les pays d'Afrique, mais qui en plus faut l'acheter. Et sinon, il y a plein de modes sur Steam. Hein. On peut prendre à peu près n'importe quel pays parce que les gens, on peut faire des modes et donc les gens ont créé à peu près tous les pays. Donc vraiment, on peut prendre le pays qu'on veut sur Steam. On les trouve tous. Et du coup, c'est assez sympathique. Et voilà. J'ai bien aimé. C'est bon. Après, c'est sûr que je pense pas que tu joues pendant des mois non plus que ta vie fait le tour. Mais c'est assez sympa de voir comment ça évolue, que tout de suite, dès que tu veux faire monter quelque chose, t'as l'autre chose qui va plus, enfin, voilà. D'accord. Et tu trouves le jeu assez réaliste dans les réactions? Dans les réactions, dans les chiffres, oui, sauf, je te dis, dans le mode normal. Après, j'ai peut-être pas mis les bons réglages sur la première partie, mais pas réaliste sur les scores. Tu vas être réélu avec 90% des voix. Ouais, là, ouais. Sans être une dictature, c'est pas possible. Et pourtant, je te promets, j'étais pas devenu une dictature. Donc, c'était pas possible de ce point de vue-là, en fait. Par contre, sur la première partie, j'avais mis rester totalement réaliste. Du coup, j'ai eu le droit de faire que 2 mandats, en fait. Et après, ça se termine en France. On n'a pas le droit d'en faire plus. J'ai pas pu instaurer une sorte de dictature ou quoi que ce soit. Donc, j'essaierai dans une prochaine partie pour rester au pouvoir à vie. Voilà. Très bien. Démocratie 3, du coup, sur PC, Mac, ouais, Linux. Ça. Ouais, je crois. On va... Pardon ? Non, je crois qu'il est sur Linux aussi. Ok. On va passer aux séries du coup et c'est Oshi qui va prendre la parole avec Mr. Robot. Donc tu as revu la première saison récemment, je sais tout pas si t'as commencé la deuxième. Oui, j'ai commencé aussi. Alors Mr. Robot, ben ça avait fait quand même un joli tabac quand c'est sorti l'année dernière. C'est une série américaine, pour ceux qui connaissent pas, ça quand même, je pense que tout le monde a vu, mais je veux quand même en parler parce qu'elle était quand même vraiment bien. Donc une série qui a été lancé en juin 2015 sur USA Network, qui est pas une grosse chaîne, mais qui est une chaîne en tout cas pour qui on doit Suits, 4400, Burn Notice ou encore Monk. Alors, Mr. Robot, c'est quoi grosso modo? C'est l'histoire d'un, on suit une sorte de jeune hacker un peu chelou avec des problèmes psychologiques qui bosse pour une grosse boîte qui fait de la sécurité informatique et ça part un petit peu en couille avec l'arrivée. Donc le héros est incarné par Rami Malek, qui n'était pas un acteur ultra connu avant, qui avait fait 2 ou 3 petits rôles dans 24 ou dans Medium, et qui incarne à merveille ce rôle principal de... je retrouve son nom, de Elliot Alderson. Il y a l'arrivée de Christian Slater, qui aura un rôle très important à la suite de la série. J'en dis pas plus, parce que c'est très dur de pas spoiler cette série, parce que ça commence assez vite et assez fort, qui arrive et qui l'imbrique dans une sorte de conspiration hacking pour, en gros, détruire un petit peu là, une grosse société qui dépend un petit peu d'ailleurs de la boîte pour laquelle il bosse en sécurité informatique, et Evil Corp, qui est une grosse société qui détient un petit peu tout dans l'Amérique au niveau du prêt, au niveau de la technologie et tout. Et le but en fait du coup de l'équipe qui est en train de se monter, c'est vraiment de faire un gros hacking sur cette société pour que tous les prêts soient effacés et qu'il y ait une sorte de révolution un peu informatique qui se fasse. La première saison avait vraiment fait un joli tabac alors qu'elle venait un peu de nulle part. Le créateur Sam Esmail vient de rien, c'est un peu son premier truc qu'il fait. Et la série est vraiment d'une déjà super jolie, c'est vraiment, les cadres sont super, la photo est super, c'est vraiment intéressant, il y a un super propos. Les acteurs sont, à part Christian Slater qui joue une sorte de second rôle, sont quasiment tous inconnus, à part peut-être Gloria Ruben qui joue sa psy, qu'on avait vu dans Urgence à l'époque. Et du coup, voilà, la saison 2 vient de commencer à peine. Il y a eu beaucoup, beaucoup de teasing fait par la production juste avant, avec du direct sur YouTube, avec des messages un peu chelous, autre chose comme ça. Et voilà, la saison 2 vient de commencer. Il y a deux premiers épisodes. Je veux pas vraiment parler de ce qui se passe parce que c'est vraiment dans la lignée de la saison 1 qu'il faut absolument voir. Je vous le conseille absolument. C'est pété de twist. C'est monstrueux. C'est vraiment, c'est longtemps que je m'étais pas autant régalé devant une série pareille. En plus c'est fou, le titre veut rien dire. Comme on me disait, tout le monde parlait de Monsieur Robot, Monsieur Mister Robot. Je m'attendais à une série avec un robot. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il a fallu que je me lance vraiment pour voir que, ah non, rien du tout, il y a pas de robot. C'est juste que c'est une satire sociale extraordinaire et qu'il faut vraiment, vraiment se lancer dedans. Ouais, le pilote m'a beaucoup marqué par cette photographie, ce rapport à la réalité aussi, avec les montages sur tous les événements politiques américains, par exemple. C'était vachement fort déjà, et c'est puis très, très c'est vrai fort. Que le développement est très très intéressant. C'est ça. Il y a des aspects prévisibles, mais voilà, c'est quand même vachement prenant. Et puis le personnage, comme tu dis, qui a des problèmes psychologiques, qui est pas fiable en fait comme narrateur. Oui. C'est non, c'est génial. Et en plus, surtout, bon, après, sans faire de spoiler, pour juste donner un peu l'eau à la bouche aux gens qui l'ont pas vu, il y a un twist vers la fin de la série qui fait que j'ai eu vraiment eu envie de re-regarder toute la première saison, parce que du coup, ça change un petit peu son on le voit. Et du coup, ma copine l'avait pas vu, du coup je me suis dit, bah tiens, la saison 2 va rattaquer, viens on mate la saison 1, faut que tu vois ça. Alors moi je me suis fait avoir parce que dès le deuxième épisode elle a compris le truc que j'avais pas compris, et que du coup je me suis fait, bon, elle était pas aussi étonnée que moi, mais pour quelqu'un comme moi qui suis vraiment très très bon public et qui cherche pas trop les ficelles, juste qui regarde et qui regarde ce qui se passe, il y a, voilà, c'est vraiment génial, et en plus il y a un potentiel de revisibilité qui est vraiment super. Très bien. Ouais, je conseille aussi. J'ai pas encore commencé la seconde saison. J'étais un petit peu sceptique en voyant des critiques, mais bon, t'as l'air d'être. Ça reprend exactement pareil. C'est la suite. Ouais, donc. C'est assez violent, c'est génial. Alors, on va passer à Matt qui va nous parler de la fin de saison de Game of Thrones, je suppose. Bah, c'est pour avoir un avis général aussi que j'ai vu, je pense. Oh oui, oui, oui. Aussi, Steven. Ouais, et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment monté en intensité sur la fin. Oui. Alors, c'est une qualité et un défaut aussi, parce que c'est un peu trop d'attendre vraiment les derniers épisodes pour monter vraiment. Mais là, les derniers étaient juste exceptionnels. Et par contre, on a appris la mauvaise nouvelle. Il faudra attendre l'été prochain pour voir la suite. Bon, après, c'est compliqué de parler sans spoiler. C'est une semi-mauvaise nouvelle. Ils avaient dit qu'ils le feraient beaucoup plus tard, et ça aurait peut-être l'automne, voire l'hiver. Donc, c'est l'été, c'est quand même pas mal. On va juste attendre 2 mois de plus, quoi. C'est pas très grave. Mais moi je peux plus attendre une minute plus, c'est bien. Mais ouais, non, mais vraiment la fin est très très intéressante, et on commence malgré tout à imaginer, pas, je vais pas dire imaginer une fin, mais à imaginer ce qui peut se passer, à voir si ils vont être en mesure de nous surprendre. Oui. Ensuite. C'est dur d'en parler hein, sans spoiler, parce que on sait pas trop où en sont les gens. Après bon, je pense quand même que... mais je suis quand même compliqué. Après voilà, moi je suis très actif niveau cette série sur le forum, parce que je suis aussi un lecteur des bouquins et que j'adore cet univers, j'adore, et je râle souvent beaucoup sur la série, mais franchement, enfin je vois pas, c'est un peu comme le parallèle que je faisais avec le Seigneur des Anneaux, dont je suis grand fan aussi, donc j'étais un fan du bouquin et que j'apprécie aussi en film, c'est qu'à un moment c'est un peu normal que ça passe sur un truc de grand écran pour même de petit écran pour pouvoir prendre plus de gens au jeu. Et franchement, l'adaptation, elle est quand même faite, je pense, au mieux qui puisse être fait. Elle est faite avec des moyens, elle est faite avec des super acteurs, elle est quand même bien écrite. Il y a 2-3 petits trucs sur lesquels on peut redire, mais l'adaptation est super. Vraiment, l'adaptation est super, et moi, je me régale. Et en plus, du coup, comme moi, je suis un lecteur des bouquins, et qu'on attend toujours le tome 6, on attend que Martin le finisse, toute cette saison 6, du coup, était hors bouquin. Du coup, j'ai découvert, pour la première fois, vraiment, de nouveaux événements qui se passent. Et j'ai hâte, encore plus, maintenant, de les lire, parce que c'est, il y a des trucs vraiment what the fuck, c'est génial. Après, j'allais dire, ça m'arrive très peu souvent. Ça m'est arrivé une fois avec un épisode d'Homeland, d'ailleurs. Mais c'était un seul épisode et ça n'a pas été suivi derrière. C'est que c'est rare, vraiment pour moi en tout cas, que quand tu regardes une série, t'as presque l'impression de voir un film. Oui. Tellement c'est puissant. Ah bah, tellement le final, pour le coup, c'est ça. C'est un truc de malade mental. Voilà, c'est vraiment digne d'un truc au cinéma. Quoi. Oui. C'est vraiment... C'est... Même la réalisation, tout bien c'est, sûr. C'est puissant. C'est, vraiment... c'est en ça que c'est respectable, parce qu'ils font qu'une série, entre guillemets, mais ils savent très bien comment la faire. Ils y mettent vraiment des moyens de fou, parce qu'ils peuvent et qu'ils savent que ça marche. Mais les costumes sont super, la photo est super, les acteurs sont quand même très bien dirigés au final, même si bon, Emilia Clarke, que j'adore, je trouvais quand même en deçà de son rôle, parce que le personnage est quand même, devrait peut-être manquer, elle manque un peu de profondeur avec elle, mais c'est pas très grave. Non, mais c'est clair, c'est un moment où, au moins, on ferait une rétrospective Game of Thrones en un ciné à Grenoble, putain, j'irais, quoi, j'irais me régaler. Ah, il devrait diffuser les épisodes au Ben cinéma, oui, c'est ça que ça serait bien dire. bien sûr, bien sûr. Moi aussi, j'irais. Bon, par contre, c'est la seule série, c'est vraiment, je pense, impossible de la suivre en français. Il y a tellement de Oh, spoil, tellement il y de... en a plein qui s'en foutent. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que je me dis, des gens qui veulent, qui vraiment sont, veulent pas regarder cette série, ils peuvent pas la suivre, cette série. Parce que t'es tellement spoilé Ben je direct, sais. que Alors moi, si t'arrives. alors je le regarde de façon légale, attention, mais je regarde le matin même. C'est hors de question. Moi, je me levais le matin, je lançais l'achat de ma série et j'attendais pour regarder avec ma meuf, mais directement au réveil. Alors des fois, c'est un peu violent au réveil, par contre, effectivement, parce que c'est quand même pas la petite maison à prairie non plus. Non, Mais c'est clair. au moins, je sais que voilà, je l'ai vu directement et que toute la journée, je verrai des trucs sur Internet. Je dirais, mais je sais, je sais, je sais. Mais moi, de manière presque aussi légale que toi, vraiment presque, hein. Je, pareil, tous les lundis matin, je la prenais, vraiment. Je la regardais direct, au moins. C'est Pas de spoil. tranquille, exactement. Ouais. Et toi, Steven, t'en as pensé quoi? Bah justement, j'avais vu des critiques sur la saison disant c'était mou, il se passe rien et tout. Bah, j'ai trouvé que c'était la saison la mieux construite Je trouve depuis le aussi. début quasiment. Ouais, je trouve Parce aussi. que à chaque épisode, il se passait quelque chose. Alors, c'était pas toujours fantastique, mais ouais, j'avais pas l'impression de stagner justement. Et puis les deux derniers épisodes ont été très bons. Bon, l'avant-dernier forcément est un grand spectacle. Oui. C'est Elle est ça magique. cloue Bon, le on va pas siège. raconter, mais il y a une scène, elle est, voilà. C'est spectaculaire, mais c'est vachement prenant et il y a des idées originales en plus dans le combat. C'est enfin, des trucs que tu vois pas forcément ailleurs. Après, je crois que je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, mais moi, je me suis initié, entre guillemets, à Game of Thrones il y a seulement un an, quoi. Du coup, j'ai fait les 5 premières saisons en enchaînement à l'arrache pour pas être trop Ah spoilé. sérieux? Ah oui, quand même, je savais pas Ouais, et malgré tout, j'ai été spoilé, ça. bêtement, mais pourtant, j'avais essayé d'enchaîner. Et du coup, c'était la première saison que je vivais vraiment en direct comme une saison, à attendre les épisodes. Et... Voilà, donc c'est compliqué de juger par rapport aux autres que j'ai enchaîné coup sur coup. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas été déçu tous les épisodes. Je les ai trouvés intéressants, vraiment. Bon, après, je suis un public facile, je sais, mais voilà, moi, je l'ai trouvé bonne la saison. Moi aussi, totalement. Bah, je peux comprendre les critiques. C'est assez récurrent, de toute façon, sur les séries comme ça qui prennent leur temps. Mais non, vraiment, ça a été la saison pour moi qui a été la mieux construite. Maintenant, il faudra attendre encore. Donc, on va passer à ça. Moi, je vais parler de Orange is the New Black, la saison 4 qui est sortie fin juin sur Netflix, je crois. Alors bon, c'est typiquement la série qu'on aime bien regarder en été en fait. C'est à la fois un mix de drama et de comédie. Ça alterne des trames lourdes, légères, dans des épisodes qui sont, c'est vrai, assez longs. C'est en général 55 minutes. Mais en fait, c'est assez facile à digérer. Ça s'enchaîne sans problème. Et voilà, donc c'est vraiment une série d'été qui passe très bien. Et après là, une saison 3 qui était décevante et oubliable, la série a reçu beaucoup de très bonnes critiques sur cette saison 4. Et je rejoins un peu ces critiques, même si je trouve que le milieu de saison a été un petit peu moins inspiré. Mais le début est très bon. Vraiment, le premier épisode nous replonge totalement dans le bain. On passe 1 heure de vrai bonheur en fait. C'est vraiment très agréable à suivre. Et les 2 ou 3 derniers épisodes sont vraiment excellents et très touchants. C'est un vrai crève-cœur. C'est une série qui mélange en fait des flashbacks avec donc la vie carcérale au quotidien. Et le dernier épisode, c'est les plus beaux flashbacks qu'on ait vu dans la série. C'est très émouvant. Donc si je suis un peu plus mesuré que les critiques américaines que j'ai lues, cette saison relance vraiment bien la série, je trouve, et montre aussi que donc la créatrice de la série qui avait fait Weeds ne Ah, reproduit je pas savais même les pas. mêmes erreurs, ouais. Non mais c'est qu'en fait ma copine regarde et du coup dès que ça sort elle regarde. Moi je suis plus ou moins sur le PC derrière, du coup je vois en fond, du coup je vois très bien de quoi ça parle. J'ai suivi un tout petit peu et ça, je me suis jamais vraiment lancé dedans au final parce que un manque de temps, beaucoup de séries à regarder, mais ça a toujours eu l'air super bien en tout cas. Ouais, ben c'est vraiment, je trouve, un bon mélange. Tu te marres, la partie drama est assez est très correcte. Hein. C'est jamais mauvais, mauvais. C'est une série de bonne qualité, je trouve. Voilà, c'est pas la série que tu, c'est une série que tu oublies assez vite en fait. Tu Ouais. regardes pendant un été, tu prends du plaisir. Puis voilà, t'attends sans problème Oui, un an puis c'est pour assez voir la léger suite. comme série carcérale, au final, ça nous change de Oz. Hein. Ouais, voilà, ouais, c'est sûr, Même c'est si pas c'est quand aussi même, même si hardcore. c'est Hein. un peu hardcore aussi à des moments, mais c'est quand même pas Oz, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est beaucoup plus soft, il n'y a pas de guerre de gang avec des meurtres tous les 5 minutes, C'est non, ça. c'est... Mais non, c'est vraiment une série qui vaut le coup, voilà, en été, c'est parfait. Vas-y. Moi, j'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Et peut-être que je reprendrai en fin de saison 2. Et comment il justifie le fait qu'à la base, elle devait avoir une petite peine, l'héroïne principale, et qu'il y a 4, 5 saisons, et il va y en avoir une cinquième, je pense. Comment il justifie ça, en fait? Le fait qu'à la base, elle devait faire sinon, on a Bah plus. justement, je me suis posé la question récemment, mais je crois qu'on est dans une courte période. Parmi les 4 saisons qu'on a vues, on doit pas être sur. Ça a dû se passer en quelques mois en fait. Parce que je crois D'accord. qu'elle prend une peine d'un an et ça doit pas faire un an qu'elle est là officiellement. Ok. Et ça va être à Oshii de reparler. Il va parler de Wayward Pines, la saison 2 a débuté cet été sur Fox, je crois. Tout à fait sur la Fox. Alors Wayward Pines, c'est une série que j'ai qui était donc sortie l'année dernière. La deuxième saison vient de commencer. Enfin, une saison quand même bien bien avancée. J'ai tout regardé là parce que j'avais bien aimé. Je sais pas trop si je peux vraiment parler de la saison 1 parce que la saison 1 a eu vraiment un gros buzz et puis était vraiment bien faite. C'était Ethan Burke, donc qui était pour reprendre un peu incarné par Matt Dillon, qui est un agent spécial des services secrets, qui est en train de rechercher la disparition de deux autres collègues, qui un accident juste à une entrée d'une petite ville de l'Idaho, et qui se réveille dans cette ville un peu plus tard, qui se rend compte un peu à la manière du prisonnier pour ceux qui connaissent l'ancienne série, coincé dans cette petite ville avec des gens très bizarres, elle peut pas communiquer vers l'extérieur, et bon, il y a un gros gros twist où on nous explique ce qui se passe, ça part très science-fiction, c'est dur de en parler, mais bref, du coup il se passe des choses, on apprend beaucoup, la saison 1 se termine, et donc c'est tiré de bouquins également en fait, de je sais plus qui les a écrits, Blake Crouch, c'est ça, et du coup ils ont attaqué une saison 2, mais j'avais hâte de savoir comment ça allait se passer, parce que j'avais vraiment bien bien aimé l'ambiance de cette petite ville, un peu science-fiction, un peu tout ce qui se passe, même si ça part vraiment plus en couille vers la moitié fin de la première saison, et la C'est deuxième. clair. Voilà. Et la deuxième saison, du coup, ça repart plus là-dedans. Il y a beaucoup moins l'effet de surprise. Et même si ça se tire un peu son épingle du jeu, ben c'est sympa à suivre. J'ai quand même envie de savoir la suite. Je veux savoir la fin. Mais c'est ben du coup, ça tombe vraiment en rond. C'est beaucoup moins intéressant. Alors, on apprend beaucoup plus sur le passif de tout ça. Il y a beaucoup plus d'introspection qui se passe sur le passif, sur comment on est arrivé là. C'est relativement bien fait, mais je sais pas. C'est beaucoup moins bien réussi. Je sais pas vraiment sur une troisième saison. Parce que c'est pas encore renouvelé. La saison 2 avait été, enfin la série avait été renouvelée super tard parce que la série de l'année dernière avait commencé en mai 2015. Il y avait juste eu 10 épisodes. Elle a été renouvelée qu'en décembre pour pouvoir une diffusion cette année-là. Et je pense qu'ils attendent la Fox un petit peu de savoir comment on va se passer les audiences de cette saison 2 pour éventuellement renouveler son saison 3 ou pas. On verra aussi au niveau du final de la saison 2. Mais pour ceux qui avaient aimé la saison 1, allez-y sur la saison 2 parce que ça reprend plus ou moins l'univers et qu'on n'est pas dépaysé, c'est sympathique, mais il y a vraiment beaucoup moins l'impact. Alors je sais pas si tu l'as vu toi, Steve, t'as commencé la saison 2 ou pas, Non, non, non. Mais j'ai comme toi de très bons souvenirs de la saison 1, c'est les ça, c'est premiers pour ça que j'étais. épisodes, c'est un thriller fantastique, quoi. C'est ça. Et que la saison 2, ben du coup. Moi vraiment, je trouve que ça, le soufflet retombe. C'est un peu dommage qu'il y avait quand même un potentiel monstrueux, même si forcément, vu des événements, ça allait être délicat à traiter et que forcément, il pouvait plus y avoir autant la même tension parce que les choses, enfin, tous les mystères sont énormément élucidés, voire tout est élucidé. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 1, on sait tout pourquoi est-ce qui se passe, où ils en sont, et que du coup, la saison 2 doit vraiment repartir sur des faits purs, là où vraiment la richesse de la saison 1 était plus sur du mystère, sur du thriller. Et bon, bah, du coup, on perd un petit peu d'intérêt. Les acteurs qui ont beaucoup changé sont pas mal, je pense à Jason Patrick, à Jim Anunsu ou à Casey Hall qu'on avait aussi vu dans Hannibal. Regardez-la, mais moi je suis un petit peu quand même sur ma faim, je reste sur ma faim sur cette deuxième saison. Pour l'instant, parce que j'ai vu que 8 épisodes sur les 10, j'attends la suite. Ouais, c'est un peu une fausse bonne idée en fait le renouvellement. Tu te dis ouais génial on va retrouver l'univers mais en fait Exactement. tu te dis mais il y a la magie en même temps qui disparaît, c'est Bien dommage. sûr. Alors oui, c'est une série qui était produite par M. Night Shyamalan. Du coup, ça reprenait bien tout son univers un peu, comment dire, lunaire, thriller, mystérieux. Mais je sais que c'est parce qu'il y a eu un énorme succès sur la saison 1 qu'ils ont vraiment été tentés de faire une saison 2. Mais au final, ils auraient peut-être pu en finir là. Ça aurait bien clos comme ça la série, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, regarder la saison 1, ça vaut vraiment le coup. Oui, C'était une vraiment, très ouais. très bonne surprise pour moi, la première saison. Et puis, bah, tous ceux qui ont vu, en fait, quand on a partagé un peu la série sur le forum, tous ceux qui ont vu sont vraiment tombés amoureux. Oui. Donc, voilà. Donc, la saison 1 au moins. Et puis, ouais, je regarderai la saison 2 quand même. Ça Oui. doit valoir le coup, même Oui, si quand on est même. un peu déçu. Oui. Matt, ça va être à toi. Tu vas nous parler de The Man in the High Castle, série Amazon de comment il s'appelle? C'est un mec qui bossait sur X-Files. Je retrouverai le nom. Regardez. Vas-y, vas-y. C'est une série qui est sortie il y a déjà pas mal de temps. Hein. Faut que je la regarde. Depuis le temps que j'y pense, il faut que je la regarde. Pour faire simple, c'est en gros le synopsis de départ, même si après ça évolue, c'est que c'est l'Allemagne et le Japon qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, les États-Unis ont été divisés en trois. Une partie à l'est, que je dis pas de bêtises, qui est gérée par les Allemands. Une partie à l'ouest, qui est gérée par les Japonais. Et une partie centrale, qui est un petit peu archaïque, où il n'y a pas trop de politique, de gestion, etc. C'est la zone neutre, en fait. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant de voir dans ce monde-là où les Américains sont un petit peu soumis aux Japonais, aux Allemands. Il y a la résistance et voilà. Après, donc, on suit une femme qui a rencontré un homme, qui on l'apprend très vite. Là, je ne pas trop parce qu'on apprend au bout d'un ou deux épisodes seulement que finalement, il est avec le Troisième Reich. A priori, c'est quelqu'un qui travaille pour le Troisième Reich, alors qu'elle travaille pour la résistance. Et donc, après, on va suivre leurs aventures. Pour l'instant, je suis en milieu de saison. J'ai pas fini. Mais vraiment, c'est assez intéressant de voir ce monde un peu, je vais pas dire imaginaire, mais ce monde, comme il aura peut-être pu être, je sais pas. Une dystopie, ouais, c'est une dystopie. Voilà, je cherche le mot, merci. C'est Frank Spotsnitz qui est au scénario, qui a bossé sur X-Files. Et il est parti d'ailleurs en saison 2, ça inquiète un peu les fans de la série. Mais en tout cas, la première saison est assez intéressante. Et c'est un rythme pas trop surexcité non plus. Parfois, c'est assez lent, mais il y a vraiment des trucs inattendus. Et c'est vraiment, je le conseille, ne serait-ce que pour le, comme tu dis, la dystopie et le fait qu'on se retrouve dans quelque chose d'inattendu, quoi. Au départ, c'était assez sympathique, c'est pas bon. Voilà, mais c'était assez sympathique de voir comment ce monde tournait dans ce qu'ils appellent le Greater Nazi Reich, qui est la partie à l'est, la partie allemande, et vraiment, c'est sympa. Donc, je conseille aussi. Et à dire, du coup, que c'est l'adaptation d'un roman de Philippe K. Dick, qui a le même nom, Le Maître du Haut Château, et que c'est produit par Ridley Scott également. Il y a 10 épisodes dans la première saison. J'aime bien quand c'est un roman. Et c'est renouvelé, en tout cas, ouais. Après, justement, à voir. Quand on essaie de renouveler quelque chose qui est issu d'un roman, c'est pas toujours... Ben oui, c'est rarement bon. On est dans l'improvisation. Enfin, bon. Et apparemment, oui, il avait un... Spotnitz avait une très bonne idée d'évolution pour la série, pour la saison 2. Donc, comme il a quand même débuté la saison, il doit avoir des bonnes bases pour bien continuer l'histoire. Donc, alors, j'ai pas encore vu la première, mais... Non, pareil, apparemment, c'est très intéressant. Il faut que je la voie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand Amazon, ils se sont lancés dans les séries, c'est celles qui vont... Ils ont lancé qu'un épisode de chaque série, en fait. Et les séries qui avaient les meilleures notes étaient produites. Et celle-là a eu, je crois, 95% d'opinions positives, un truc comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé de la réaliser jusqu'au bout, en fait. Pour l'anecdote, Amazon, il y a une série qui avait pas mal cartonné dans ce système de pilote, là. C'est une série que Chris Carter de X-Files, justement, avait produite. Et le pilote avait été suivi, ça avait été commandé. Et puis, finalement, Amazon a annulé parce que, en fait, la série, c'était de la merde, mais... C'était populaire, mais c'était de la merde. Donc Amazon a finalement tranché et a contredit son système dans la foulée. Par contre, je ne sais pas s'ils en ont fait d'autres depuis The Man in the High Castle, Amazon, qui ont marché en tout cas. Ils ont Transparent, une série... Enfin, elle avait commencé avant The Man in the High Castle. Ils ont Bosch aussi, une série policière avec un acteur qui fait pas mal de séries, justement, qui est très réputé. Ils ont quelques projets sympas. Ils avaient Beta aussi, là. Beta, ils avaient... Ouais, après, ils ont eu plein de petits projets. Ça n'a pas encore été extraordinaire, leur série à Amazon. Ça lancera peut-être. Ils leur font des bons producteurs, en fait. Et puis c'est leur première bons scénaristes, quoi. C'est la première qui marche, en tout cas, ouais. Bah, Transparent qui est assez réputée, je pense pas qu'elle cartonne beaucoup au niveau audience, mais elle a une bonne réputation, c'est avec Jeffrey Tambor, celui qui faisait Arrested Development, elle a eu pas mal d'Emmy Awards et tout ça. Voilà, après je sais pas si c'est un succès populaire, pardon. Voilà pour High Castle. Alors moi je vais parler d'une comédie, c'est Wrecked. Mon accent anglais est Wrecked. Right. Oshi, ça devrait t'intéresser, en fait, le pitch. C'est, tu imagines Lost. C'est ça, mais en version comédie. Ah ah. Donc, en fait, c'est, c'est un avion qui se crache sur une île déserte et, donc, on a un groupe de survivants qui essayent de s'organiser. Il y a un leader comme ça qui prend les choses en main, sauf que bon, il a un léger accident et qui fait qu'il peut plus trop diriger les choses. Et voilà. Donc, c'est des personnages, c'est gros tarés, c'est gros débiles, il y a des idées vraiment sympas, originales et parfois réalistes en fait dans la réaction des gens dans ce genre de situation un peu extrême. Après il y a des des trucs qui tombent à plat aussi. Tu sens qu'il y a, c'est un gros potentiel. Hein. Quand tu imagines, voilà, un avion qui s'écrase sur l'île, une comédie, bon, ouais, tu penses que ça peut donner des bonnes choses. Et parfois c'est intéressant, mais voilà, c'est assez inégal. Mais bon, en série d'été comme ça, ça se tente le quand même. Alors il y a 6 épisodes qui ont été diffusés. Donc on va passer au cinéma maintenant et c'est Matt qui va nous parler de Tarzan. Oui, donc je disais, j'ai été le voir là la semaine dernière. Le film commence, Tarzan est déjà Tarzan et l'histoire se passe après en fait. Et du coup on ne s'y attend pas et c'est assez sympathique. Et j'ai passé un bon moment et voilà. Alors après il y a quelques scènes un peu trop bateau, mais le film est bien justement. J'ai bien aimé ce fait de pas repartir à zéro encore une fois. C'est pas trop pure Amérique, grosse production. Non, il y a pas trop de scènes. Super action, machin truc, quoi. Bon, après, bien sûr, ça reste produit américain, voilà, mais c'est pas non plus, on en met plein les yeux pendant une heure et demie, quoi. D'accord. Je vois que c'est David Yates qui l'a réalisé, qui a réalisé les 4 derniers Harry Potter, qui est un relativement bon réalisateur, qui se fait assez discret, donc, ouais. Pourquoi pas? Après, comme je dis, il y a des imperfections, mais voilà, déjà, ce côté de pas recommencer encore une fois à zéro, j'ai apprécié, moi. Ok. Très bien. Oshi, tu vas nous parler de 10 Cloverfield Lane. Oui, donc la suite de Cloverfield. C'est la plus ou moins suite de Cloverfield. Alors moi, j'avais été un extrême fan de Cloverfield, sorti en 2008, qui était le sorte de film catastrophe, grand extraterrestre, genre Godzilla dans la ville, en caméra à l'épaule. J'adore les films caméra à l'épaule. J'avais vraiment surkiffé ce film. Et quand j'ai vu qu'il y avait plus ou moins une suite, pas vraiment une suite qui sortait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc 10 Cloverfield Lane, qui est que produit par la société de production de J.J. Abrams, bon, même s'il le produit, où il ne touche pas au film dedans du tout. Du coup, c'était plus un huis clos, bizarrement, mais qui est vraiment très très bien joué. Donc, c'est tout simplement, tout bêtement, une nuit où t'as une jeune femme qui a un accident de voiture, qui se réveille dans un bunker un peu enchaîné avec deux mecs, et notamment le mec qui est un peu en charge, j'allais dire, parce que j'en pense à l'anglaise, mais le mec qui dirige un peu tout ça, qui est Howard, qui est incarné par John Goodman, qui est monstrueux. Lui dit qu'en fait il l'a sauvé d'une catastrophe à échelle mondiale, mais sans qu'elle sache trop pourquoi, et qu'ils font un petit peu leur petite vie dans le bunker comme ça pendant la plus grosse partie du film. Et donc on sait pas trop ce qui se passe, le mec est quand même chelou, il a des mensonges, elle trouve des photos qui sont pas forcément vraies par rapport à ce qu'elle dit. L'actrice principale, Michelle, est incarnée par Marie-Elisabeth Winstead, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui notamment joue l'actrice principale dans... comment il s'appelle déjà, que j'avais adoré, Scott Pilgrim versus the World, Edgar Wright, qui est monstrueux aussi. Ah oui, oui. Et bref, le film avance, avant un twist de fou furieux et une fin qui part n'importe comment et de façon géniale, et qui du coup, bon, sans faire spoiler, mais en le disant, ça a forcément évoqué, rapproche un peu du premier film Cloverfield. Fait qu'en fait c'est une super surprise, c'est vraiment un super film, parce que déjà tout le long du huis clos c'est quand même très très bien monté, très très bien fait, tout le doute, le mystère est vraiment super bien entretenu avant que ça se libère et que ça se lâche et qu'on comprenne plus ou moins ce qui se passe. C'est vraiment vraiment très bien fait. C'est un film qui, je pense, n'aura pas forcément de vraie suite comme le premier Cloverfield en fait. La fin est une fin, même si ça pourrait vraiment très avoir une suite. D'ailleurs J.J. Abrams n'a pas exclu la possibilité, je lis texto hein, le Wikipédia, il n'a pas exclu la possibilité de faire un troisième film dans l'univers Clover un petit peu. Alors pourquoi pas faire une suite à ce film là ou repartir dans une sorte d'ambiance comme ça, un peu apocalyptique. En tout cas, vraiment, pour le côté science-fiction mais aussi le côté vraiment thriller huis clos, il est super bon. Il a pas fait grand bruit finalement quand il est sorti. Bon, après il est sorti récemment hein, il est sorti au printemps je crois. Vraiment, lâchez-vous, lancez-vous, il passe vraiment tout seul, il est vraiment très bien, 10 Cloverfield Lane, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est une super surprise, et j'ai vu que la plupart des gens, en tout cas, qui n'avaient pas forcément aimé le premier Cloverfield, ont vraiment préféré celui-là. Alors moi j'ai un peu moins bien aimé, enfin je ne dirais pas que j'ai moins bien aimé, parce que les films sont vraiment très différents, j'ai peut-être plutôt préféré le premier Cloverfield, parce que c'était vraiment plus un truc que j'aime vraiment, gros truc, n'importe comment, gros science-fiction, mais autant celui-là, il est pas moins bien, il est juste différent, et c'est peut-être ce qui tire vraiment l'épingle du jeu dans l'ambiance, c'est de remettre un petit peu une évocation pour ce film-là, alors que ça a finalement pas grand-chose à voir, mais en fait, si à la fin tu te dis que si, en fait, si, ça a rien à voir dans une sorte d'univers un peu comme ça, dystopique, post-apocalyptique, science-fiction et que ça marche très très bien. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, mais du coup, Non tu m'as plus. intéressé, là, Oui. jetterai peut-être un œil. Parce que j'ai vu Cloverfield il y a pas très longtemps, ça fait un an à peu près, Ouais. et j'avais bien aimé, ouais. Non, celui-là, ouais, est vraiment vraiment très sympa. Et je trouve justement intéressant le fait qu'il fasse un film dans le même univers, mais dans un style différent, je C'est trouve, ça, ouais. c'est intéressant, c'est intelligent en tout cas. Après encore, dire grand, même univers, c'est assez large. Tu verras que c'est pas tant le même univers que ça, mais ça passe très bien. C'est un clin d'œil peut-être plus, mais... Oui, mais en vrai, voilà, c'est que ça reste la même équipe de production. Il y a beaucoup de clins d'œil toujours à tout ce que fait Abrams dans ses productions, avec toujours un petit peu les mêmes trucs. Genre, il repart encore de Kelvin, qu'il avait déjà utilisé dans Lost, dans Star Trek ou dans Super 8. Il y a plein de trucs, plein d'easter eggs un petit peu partout, notamment une tête de robot, pour faire référence à sa société de production qui est Bad Robot. Plein de trucs comme ça qui sont assez sympas, ouais. Très bien. Donc, 10 Cloverfield Lane, ouais, bah du coup, j'essaierai, je jetterai un œil. Oui, Bah je ça va être pense à que moi moi. aussi. Oui, Pardon? vas-y, vas-y. Non, je dis moi aussi. Eh oui. Ok. Ouais, pour expliquer, j'entends pas la moitié des choses qui se racontent parce que j'ai une connexion de merde ce soir. Du coup, comme vous Donc. avez pu le constater depuis le début du podcast, on en profite pour faire des hommages à Vincent Labrune, vu qu'il n'entend pas. Non, j'entends pas aussi mal que ça, t'inquiète. Alors, je vais enchaîner, je vais parler d'un film Netflix encore. Tiens, on va croire que je suis un VRP de ce service de streaming. Donc, c'est Special Correspondent, c'est un film spécialement créé pour Netflix, c'est réalisé par Ricky Gervais, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, Netflix se lance un peu dans les films après les séries, et puis donc ils ont fait appel à Ricky Gervais pour écrire et réaliser le film. C'est inspiré d'un film français envoyé très spéciaux, je l'avais pas vu, mais c'était avec Gérard Lanvin et Gérard Jugnot. Donc là, Ah c'est Eric Bana et Ricky ouais. Gervais Ouais, je l'avais vu dans... en plus, moi. Ouais, c'est un peu un style... Il y a un mec boulet avec un vrai journaliste et il s'embarque dans une aventure à la con. C'est un peu le Jackie Le... Macron qui démanche la version française, en tout cas. Le casting de la version américaine est pas mal. En tout cas, il y a Vera Farmiga, qui est de Bates Motel et de nombreux films. Oui. Il y a Kelly MacDonald de Boardwalk Empire, Kevin Pollak qui a fait de nombreux films aussi, America Ferrera pardon qui avait fait Ugly Betty par exemple. Oui. Donc le synopsis c'est une star d'une radio locale qui est envoyée en Équateur pour couvrir un coup d'État. Il emmène avec lui son ingénieur du son qui est un légèrement boulet et bah ce con il jette par erreur les billets et les passeports et du coup il décide de faire croire qu'ils sont en fait sur place alors qu'ils sont toujours à New York. Et donc ils sont obligés d'improviser, de trouver des solutions pour rendre ça crédible. Et voilà, donc je trouve le début était un petit peu poussif en fait, mais j'étais plutôt surpris par la suite, notamment quand les choses s'embarquent vraiment dans un merdier incontrôlable. Et je me suis bien marré régulièrement. Donc niveau comédie en cinéma, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout la comédie américaine qui est souvent super lourdingue. Puis tenir sur 1h30, 2h, c'est difficile. Mais voilà, je trouve donc c'est pas parfait. Ça 6, 7 sur 10, on va dire, si on veut noter. Mais Ouais. voilà, je me suis marré régulièrement. Et puis le casting de têtes connues qu'on aime bien fait que ça passe mieux aussi. Ouais, ben là, il a 5,8 sur 10 sur IMDb, ce qui est plutôt honnête pour un film, pour une comédie américaine en tout cas. Ouais, voilà, ouais, Parce IMDb, ça note quand même super super sévèrement pour la plupart, du coup, c'est généralement quand t'arrives au niveau de 6, c'est quand même pas mal. Et Matt, à ton tour, tu vas nous parler de X-Men Apocalypse. Ouais, alors c'est pas Ah, évident parce que que j'ai pas j'ai vu, ordre, il faut voilà. pas que tu spoiles, je l'ai pas vu, je veux le voir. J'ai ordre de ne pas le spoiler en ce moment. Alors déjà, un truc complètement ahurissant. Je suis fan de l'univers Marvel et pourtant je regardais jamais les X-Men, quoi. C'est la première fois que j'allais en voir un au cinéma. Ah, tu n'en as vu aucun? Après, je les ai vus, je les ai rattrapés, mais première fois que j'allais au T'as vu cinéma, en autant fait. le show de Bryan Singer d'avant et puis les nouveaux avec l'univers Ouais, bah, je faut les ai pas vus dire mais. récemment. Et non, j'ai vu que les derniers en plus pour le coup. D'accord, bah, du coup moi c'est raccord quoi. Du coup, franchement, bon, bah, c'est vraiment l'univers Marvel en fait. Hein. J'ai vraiment passé un bon moment pareil. J'ai vu en 3D, bon, pour une fois, la 3D était sympa, c'est pas toujours le cas. Pas trop assombrissant? Non, mais après, bah, comme j'ai tout le temps la même chose, mais le nouveau cinéma où je vais là, la T'aimes bien? 3D elle est bien. Donc, Oh, c'est cool. contrairement aux deux où j'allais avant, là, si on a un nouveau, la 3D elle est vraiment sympa. Donc tant mieux. Et voilà, bah. J'ai l'impression que je suis pas très doué pour décrire les films. De toute façon, je vais pas le décrire pour pas spoiler. Mais Oui. voilà, le scénario est intéressant. Il y a quelques caméos. C'est toujours sympa de voir les caméos, etc. Et vraiment, le film passe bien. Il dure assez longtemps. Je crois qu'il dure 2h20 ou un truc comme ça. Et franchement, ça passe bien. Et ça aussi, bah, je critique souvent les pauvres de chez DC Comics. Mais les films Marvel durent souvent plus de 2h, 2h30. Et malgré tout, on Et ils sont s'est pas jamais. chiants, hein. Et ils sont pas Voilà. chiants, hein, effectivement. Moi, je suis un Donc peu c'est. déçu, putain, j'ai pas pu le voir en cinéma. Du coup, je dois attendre la sortie, hein, en DVD. Et j'ai pas eu l'occasion, et putain, je voulais vraiment le voir parce que, autant la première trilogie, de Bryan Singer, où j'avais adoré le premier, j'avais adoré le deuxième, j'avais détesté le troisième, mais c'est pas Bryan Singer qui l'a fait. Et j'avais vraiment aimé l'espèce de nouvelle donne qu'ils ont fait avec, bon, déjà, entre guillemets, les deux films avec Wolverine, que je m'attendais un peu à voir des trucs un peu, genre téléfilm, histoire de faire un truc entre films, et finalement, c'était très bonne facture tous les deux. Et toute la nouvelle First Class avec le retour dans le passé, tous les X-Men quand ils sont jeunes, et ben, ils sont super bien, en fait. Ils sont vraiment super bien, et du coup, celui-là, je voulais le voir, et ben voilà, je peux pas. Et bah, moi en plus j'avais pas spécialement prévu d'aller voir et j'ai été super tard, j'ai été vraiment dans les dernières séances quoi, donc, et je regrette pas du tout. Et au niveau Moi, j'ai des hâte. films Marvel récents, tu classerais à peu près à quel niveau? Après c'est différent sur un classement parce que il est à part, en fait si tu veux il y a deux univers quoi. Il y a vraiment l'univers X-Men et l'univers Marvel. Et dans l'univers Marvel où t'as tous les autres, Thor, Hulk, Spider-Man, etc. Tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment deux univers, donc c'est pas forcément l'impression de voir un film Marvel en tant que tel quoi. C'est plus à l'univers Marvel, X-Men, je vais y arriver, moi aussi, je m'en mets les pinceaux. Du coup, je ferai pas forcément le classement, en fait. Il a son propre univers, contrairement aux autres, et il est pas lié aux autres, en tout cas. Au final, tu recommandes? Ah, bah oui, de toute façon, oui. Pourtant, le pire, c'est que je parle souvent des films super-héros ici, mais normalement, je suis pas fan. Mais vraiment, je trouve que Marvel, en tout cas, sur les films, ils font un bon boulot, même sur les séries, d'ailleurs. Bah après par contre là je crois que c'est pas Marvel qui l'a produit, c'est pas Marvel Studio qui l'a produit pour le coup. Ça reste dans l'univers pour ça reste, mais je crois que c'est pas Marvel qui l'a produit. Ah bon, parce qu'il y avait des caméos et tout, hein. Mais t'as peut-être raison. Peut-être que les X-Men, ils sont pas. Je pense qu'ils bossent pour la suite, mais moi là je suis devant les trucs Marvel Studio en fait, et c'est vrai que bon les ils bourrinent, hein, ils font 2 à 3 films par an là jusqu'à 2020 on est tranquille, mais je sais que l'année prochaine bah là on a encore Doctor Strange qui va sortir, on aura Gardiens de la Galaxie 2 qui va sortir, on a un nouveau Spider-Man, on aura un nouveau Thor, on aura Black Panther, on aura un nouveau Avenger, un nouveau Généralement, c'est Ant-Man, 2 à 3 par an. c'est 2 à 3 ça. par an maximum. Et c'est un Mais c'est le peu cas depuis de nombreuses c'est années. ouais mais c'est beaucoup quand même. Bah 3 par an, ça a commencé l'année prochaine, il y a toujours eu au moins 2 maximum par an depuis 2013, 2011, ouais, il y a eu Thor, il y a eu Captain America et là 2004, 2017, il y en aura 3, 2018, il y en aura 3, 2009, il y en aura 2, 2020, il y en aura 3 aussi. Et encore, je crois qu'il y en Putain. a un qui a été annulé. Ah mais ils sont bourrins, plus avec les séries qu'il y a au milieu en plus, ils arrêtent pas. Ils sont Ah, ça, c'est leur problème, par j'ai contre. un... bah après c'est Walt C'est qu'ils Disney, hein, vont. qui a récupéré mais enfin c'est des fois, c'est un peu l'indigestion, quoi. Avec DC Comics qui s'y met aussi, pour ceux qui aiment vraiment tous ces films de super-héros, ils veulent aussi s'y mettre et suivre un peu le rythme. Ça devient chaud là. Mais bah, c'est ce que j'avais déjà dit dans un précédent podcast. C'est que malgré tout, pour le coup, quand tu vois le nombre de films Marvel déjà sortis, ils ont pris le temps pour leur truc quand même, hein. Les premiers, ils sont sortis, attends, je regarde. Il n'y a pas le premier, il sort en 2008. Oui, Donc c'était quand même il y a déjà, ils ont failli Iron Man et Hulk, quand même. voilà, il y a 8 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris le temps pour faire leur truc. Là, ils ont créé un vrai univers. Et maintenant que les gens sont dans Ouais, l'univers, bourrine, ils balancent à fond. Alors que c'est ce que je reproche à DC Comics, en fait. C'est qu'ils ont un peu trop voulu copier. Et cette année, ils en sortent 3-4. Ils balancent déjà la Justice League, alors que, il y a eu un seul, Batman vs Superman. oui, et puis après, gentiment, sans critiquer forcément, les films d'ici sont pour l'instant moins bons. Tu sens un peu qu'ils essaient de gratter aussi, de récupérer un peu. Du public parce qu'ils voient que ça marche à fond, mais tu le sens qu'ils arrivent un peu à la suite et que bon bah allez allez allez mais c'est pas aussi bien quoi. Et puis après, je trouve que Marvel a vraiment eu une idée de génie, c'est sur les séries, qui sont pas forcément liées au film, mais il y a toujours des petites allusions au film, à part Agent du Shield, qui est lui carrément lié au film. Il y a même Ouais. des acteurs de la série qu'on retrouvait dans les films. Voilà, à part les Agents du Shield qui étaient vraiment liés, les autres, il y a juste des allusions, mais tu vois, ça permet, entre guillemets, de maintenir la petite dose toute l'année pour que les gens continuent à y penser et je trouve, et en plus, les séries, que ce soit Jessica Jones, Daredevil, etc., elles sont excellentes, je trouve, moi. Donc, Je n'ai pas encore regardé, on avait parlé dans un précédent podcast, j'ai pas encore eu le temps de me lancer dedans, mais je sens que dans un petit moment de faiblesse, je vais tout me bouffer ça en 3 semaines et je serai très très bien. Surtout qu'en plus je suis abonné à Netflix, du coup je vais vraiment pouvoir en bouffer quoi. toi, t'avais préféré Daredevil, Steven, c'est ça? Ouais, moi je préfère Daredevil. L'univers de Jessica Jones, un peu ces films noirs des années 60, pas trop mon délire. Mais Ah, moi, c'était pas mal quand même, hein, j'ai bien aimé quand même. ouais, franchement, j'ai bien aimé les deux. Et là, il va y en avoir d'autres, vraiment. Après, comme tu dis, il faut faire attention aussi à pas surdoser et saouler les gens. Bah, je Ouais. pense que ça va être des grosses périodes. Je pense, il y a peut-être possibilité qu'autour de 2020, quand ils auront fait ce qu'ils appellent leur quatrième phase, Parce qu'il n'y a pas encore les titres en fait là, du coup il y aura vraiment en plus il y aura le gros truc Avengers Infinity War en deux parties où ils vont je pense un petit peu tout rassembler avec Spider-Man, avec les Gardiens de la Galaxie, tout ça. Il va forcément falloir qu'ils clôt un cycle vraiment pour laisser un peu respirer parce que entre les films Star Wars on va en avoir un par an, entre tous les films Marvel on en aura trois par an. Waouh, il y a un moment en fait où peut-être falloir qu'on se repose un peu les mirettes parce que ça fait quand même beaucoup quoi. Voilà, ça Après, je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que tu dis, mais en 2019, était prévu Les Inhumains, ouais. toujours film Marvel, qui est d'ailleurs Les Inhumains, ils en parlent beaucoup dans la série Marvel Agents du film, et du coup, je me demandais comment ils allaient tenir la série jusqu'en 2019, parce qu'elle est à fond sur ce thème-là, et le film allait y être, et au final, ils ont annulé Les Inhumains. Donc, est-ce que c'est justement dans cette optique de pas trop en mettre? Est-ce qu'ils vont pas plus partir sur les insérer plus dans la série? Peut-être, ouais. Mais en tout cas, le film, oui, il a été annulé. Mais comme tu dis, oui, ça, après, voilà, en l'occurrence, dans la série, Agent du film, il y a une héroïne principale qui est une super-héros. Elle est Quake, je crois, si je dis pas de conneries, dans l'univers Marvel. Et voilà, à partir du moment où il la présente comme une super-héros, c'est une actrice qui est jolie, tout ça, il y a un moment, il faudra la balancer dans les films aussi, quoi, parce que D'accord. je pense que ça serait utile. Au moins, ça ferait un vrai lien entre les deux. Ok. Très bien, on va finir la rubrique cinéma avec Oshi qui va nous parler de Ave César que tu as vu tout récemment, je crois. Tout récemment, je l'ai vu il y a 2 jours, c'est le dernier film des frères Cohen. Alors, je n'étais pas forcément prévu, j'en parle dans le podcast, on aurait dû l'enregistrer dimanche, même si je sais pas quand ça va sortir, mais je l'avais pas vu à l'époque, et je l'ai vu là hier, parce qu'on a vu ce matin un film et que je l'avais. Du coup, j'ai maté ce film-là des frères Cohen, que j'aime bien, j'aime beaucoup les frères Cohen, ils ont sur leurs 10, 16 ou 18 films, j'en ai vu une dizaine, je crois. J'aime beaucoup, je suis un ultra fan de The Big Lebowski, The Brothers et de No Country for Old Men, que j'adore vraiment. Il y a d'autres films un peu plus mineurs, comme comme Burn After Reading, que j'ai vraiment adoré aussi. Et je trouve que ça, bon, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une sorte de descente dans leur style aux frères Coen, où il y a, ça me rappelle des fois un peu Tarantino, c'est-à-dire beaucoup de dialogues, très très bien écrits, mais des fois un peu, comment dire, au détriment du reste, et ça prend un petit peu trop le truc. Et moi, je sais que le dernier que j'avais vu, c'était True Grit, sorti en 2010, qui était pour le coup moins un truc marrant, mais plus vraiment une sorte de thriller, un peu western, que pour le coup, qui avait beaucoup marché, mais qu'on m'avait annoncé comme un truc génial et que j'ai trouvé un peu chiant au final. Et du coup, il y avait ce dernier film qui est sorti, avec César, qui partait un peu plus dans ce qu'ils appellent leur film un peu sur les débiles, qui suit un peu aux Brothers et Burn After Reading pour le coup. Avec pour le coup des rôles où George Clooney, parce qu'il est toujours là, s'intègre très très bien dans des rôles un peu débiles, parce que je trouve qu'il joue très très bien ces rôles-là. Et donc du coup j'ai maté Ave César, et j'ai été plutôt déçu au final, parce que enfin c'est dur de dire à quel point c'est pas bien, parce que c'est pas un mauvais film, il est quand même plutôt bien écrit, les acteurs sont extraordinaires vraiment, je pense à Josh Brolin ou Scarlett Johansson ou encore une fois George Clooney, ils sont monstrueux. Ralph Fiennes qui joue aussi dedans est monstrueux, on voit un peu Tilda Swinton et Scarlett Johansson aussi, il y a vraiment un énorme casting, avec un petit caméo de Christophe Lambert qui est génial. Mais encore un énorme énorme casting qui donne vraiment de la consistance au film. Mais le scénario est finalement ultra léger. Il y a pas mal de trucs de moments un peu sympas, mais j'ai à peine souri, j'ai vraiment pas rigolé plus que ça. Et au final, il dure, tu passes 1 heure et demie devant un truc où tu sais pas trop trop. Et il se passe pas grand chose et ça se rattrape pas trop en fait. Et c'est dommage parce que moi j'aime vraiment beaucoup leur univers aux frères Coen. Ils savent vraiment faire des situations rocambolesques avec des acteurs qu'on a vraiment beaucoup plus l'habitude de voir dans des grosses productions. Je pense à Brad Pitt, je pense notamment à George Clooney, je pense à plein d'autres, ils ont quand même fait jouer énormément de monde. C'est toujours vraiment toujours bien fait, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est l'inverse du vin, c'est de moins en moins bien, et qu'on est quand même très très loin de toute la session quand ils faisaient Fargo, quand ils faisaient The Big Lebowski, quand ils faisaient aux Brothers, toute cette fin d'année 90, début 2000, où vraiment ça avait un parfum, un goût extraordinaire de voir ces acteurs-là dans cette situation-là. Je sais pas si on s'habitue ou si ça devient un peu fadasse parce que c'est comme ça que leur cinéma évolue. Moi, j'étais un peu déçu. J'ai vraiment été déçu du coup au final. Et c'est dommage parce que j'aime vraiment bien leur cinéma, quoi. Alors sans en parler plus que parce que c'est vrai que du coup je parle pas du film, mais bon. Après le scénario, l'histoire, elle est toujours un peu anecdotique dans leurs films à eux. Ça se passe dans Hollywood dans les années 50. C'est Josh Brolin qui est une sorte de producteur de cinéma qui de gérer un peu une grosse société de production qui je pense est une parallèle un peu critique par rapport aux grosses productions de cinéma de l'époque qui essaye de qui on voit il bouge les acteurs il c'est à nouveau un mec qui fait que des westerns essaie de le foutre dans un truc avec un peu plus de dialogue et ça marche pas trop et t'as au milieu de ça George Clooney qui est la superstar qui fait un empereur romain dans un film sur le Christ qui se fait enlever par des gens. C'est le début du film, hein, je spoil pas vraiment. Et ça, de là part plein de situations vraiment grand-guignolesques et un peu absurdes, avec des dialogues qui sont toujours très bons, mais qui au final desservent pas forcément l'histoire, qui fait qu'au bout d'un moment, ben, tu te dis, ça fait une heure, je regarde, et bon, ben, c'est pas super intéressant au final. Et j'étais déçu. Ouais, du coup, ouais, tu recommandes pas vraiment, quoi, à part aux super fans peut-être. Ouais, et encore, moi, je pense, faut le regarder par curiosité, regardez-le pour, parce que j'attends, parce qu'il y en a peu qui l'avaient vu sur le forum quand j'en ai parlé, du coup, ces derniers jours, qu'il avait vu. Lancez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que quand on voit le niveau qu'a pris les films de Wes Anderson, par exemple, où pour le coup, je trouve lui, en tout cas, tient bien, bien mieux ce système de je prends des stars, je les mets dans des situations totalement loufoques, et je leur mets des dialogues de fou pour en donner vraiment un univers génial. Bah, je trouve que Wes Anderson a vraiment passé le pas et est vraiment au-dessus des frères Coen maintenant, même si ça reste un peu moins léger aussi. Ben ouais, à regarder quand même, à voir, parce que c'est vraiment pas du tout un navet non plus. Mais bon, je trouve que c'est décevant. Baisser les attentes, quoi, du coup. Ouais. Tu vas pas motiver les gens pour le regarder. Non, mais c'est pas grave. Il faut se faire son propre avis de toute façon. Oui, exactement. Bon, niveau lecture, il n'y avait pas grand chose. Je vais juste dire que. Il n'y a que toi qui sais lire, on t'a dit. Non, mais moi, je suis trop à la bourre. Moi, j'ai à peine commencé le tome 2 de The Expanse et j'espère pouvoir en parler dans le prochain podcast. Ouais, moi, je vais les acheter prochainement. Je vais les lire aussi. Donc, comme ça, ça sera peut-être deux. Ouais, peut-être pas bien. Le prochain, mais. Ils sont vraiment bien. Donc, niveau lecture, moi, j'avais noté Canard PC, mais bon, voilà, c'est les magazines de jeux vidéo que je découvre récemment. Voilà, je lis ça avant de dormir, au bout de 30 minutes. Et encore, le seul des forums qui lit, c'est pas non plus la lecture. Non, voilà, c'est pas grande lecture. Bah, l'autre truc que je voulais évoquer vite fait, c'est Tokyo Ghoul, un manga japonais, donc. Pas la grande littérature, mais voilà, Tokyo Ghoul continue d'enchaîner les très bons chapitres. Et on est à un moment très à la charnière de l'histoire, et c'est un peu flippant de dire qu'on a fait plus de 200 chapitres et qu'on ferme vraiment un gros chapitre. Et la suite, on sait pas trop où ça va aller, mais c'est très très prenant. T'en avais parlé déjà dans un précédent podcast. Hein, ouais, j'en parle souvent, mais en fait, il y a des chapitres qui sortent toutes les semaines au Japon. Il y a un animé aussi ou il y a juste un manga? Il y a un animé, mais il est pas terrible. D'accord. J'avais commencé par animer d'ailleurs, et la saison 2 était tellement incompréhensible que je me suis tourné vers un manga, et puis ben, finalement, c'était une bonne idée. D'accord. Et non, j'allais dire, Canard PC, il y a quoi comme genre d'article dedans? Bon, après, c'est du basique, c'est d'abord les news, après t'as des previews, des jeux à venir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils font des dossiers, bon, qui sont assez courts, mais qui sont souvent intéressants sur des thèmes assez techniques. Et bah, on sent que c'est très bien documenté. Et puis, ils font aussi un suivi sur les jeux en accès anticipé sur Steam ou qui sont en développement. Ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément ailleurs, surtout dans les magazines. Et ils font aussi des fois des retours sur des vieux jeux qui... pour voir un peu ce que ça donnait au niveau des patchs et tout ça, et voir l'évolution du jeu depuis un an, et Oui, pardon, j'ai des pompiers en bas de chez moi. Ils vont tourner. Que c'est pas pour toi, c'est bon. Non, c'est bon, ils sont bons. Et voilà, donc je trouve, Canard PC, tu sens que c'est un vrai magazine qui est bien foutu, bien pensé, et surtout qui travaille énormément, quoi. Et c'est ça qui m'impressionne le plus, en fait, c'est que, ils tournent à 5-6 rédacteurs, peut-être, mais, ils écrivent beaucoup, et surtout, ils font un travail énorme sur chaque jeu pour avoir leur suivi. Ils arrivent à continuer, parce que pendant un temps, j'ai vu que c'était un peu délicat pour eux. Bah, en fait, ouais, ça continue de bien se vendre, et puis, récemment, ils ont lancé un Kickstarter pour la version Internet, en fait, de faire un site. Où on pourrait retrouver leurs articles avec un abonnement. Ah, c'est super. Et donc ça redécolle bien et puis je pense au niveau de leur avenir ça peut être vraiment pas mal. Parce que ben, moi en fait c'est le Kickstarter qui m'a fait m'intéresser à ce qu'ils faisaient, quoi. Ouais. Moi je connaissais un petit peu mais c'est vrai que c'était toujours compliqué pour la presse, ben, de plus en plus pour tout un peu toute la presse de tous les bords. Mais avec Internet ça devient compliqué de tenir un magazine tout simplement parce que ben, les gens lisent ça sur leur téléphone ou sur leur tablette tranquillement aux chiottes. Mais c'est vrai qu'il y a plus trop la culture d'aller acheter son magazine tous les mois à la papeterie, hein. Ouais, c'est clair. Et du coup, oui, c'est bien que ça arrive à suivre et qu'il continue à avoir des fans parce que ça manque un peu, ça reste du journalisme, ça reste un boulot, quoi. Et justement, ben, je trouve c'est, pour eux, je trouve c'est mérité, quoi. Vraiment, je trouve ils font un super travail, un gros suivi sur les jeux, c'est toujours très bien documenté. Tu sens que c'est des vrais pros, quoi. Quand tu vois la qualité des sites de certains sites qui déclinent un peu, ouais, tu te dis finalement c'est la presse parfois a du bon, quoi. Enfin là-dessus en tout cas je trouve ils font un très bon travail. Eh ben cool. D'ailleurs j'allais te dire deux petits trucs à ce propos-là. Le premier c'est qu'en plus souvent les articles, les sites d'actualité d'information en ligne, c'est plus pour du clic qu'autre chose, et ça rentre rarement dans la profondeur et Moi, dans l'analyse. C'est du clickbait à un mort, ouais. Voilà, alors Je que suis pour le d'accord avec coup, ça. pour retrouver des vrais tests, des vraies analyses, c'est peut-être mieux son bouquin, en l'occurrence. Et Bah, je pense à SoFoot, d'ailleurs, par exemple. Ouais, Qui, pour le carrément. coup, le site est quasiment un torchon, et le magazine reste super bien, quoi. Ouais, bah le site, il est vraiment là, pour le coup, comme tu disais, pour faire du clic, quoi. Ouais. Rien que les titres, etc., c'est vraiment clic à mort, quoi. Et après, question totalement hors sujet, est-ce que tu as des sites pour voir les Kickstarter qui sont lancés ou pas? C'est vrai qu'il y en a tellement que tu passes toujours à côté des trucs sympas ou... T'avouerais que là, j'ai pas vraiment de lien, enfin, d'endroit spécifique où tu pourrais trouver de bons Kickstarter là-dessus. En fait, faut fouiller, quoi. Ouais, moi, j'ai découvert leur Kickstarter, c'était parce que je suivais des rédacteurs, je suis quelques rédacteurs de sites de jeux vidéo sur Twitter. Du coup, j'en ai entendu parler, mais sinon, c'est vrai que, ouais, il n'y a pas de site qui recense, enfin, peut-être, j'en connais pas en tout cas, qui recense les bons Kickstarter à suivre. Ben voilà, on lance un appel sur le forum, si vous avez... Sur leur Kickstarter, ils ont explosé le budget demandé, hein. Ils ont Ouais, ils demandaient récolté... 60 000 euros, je crois, et puis Ils en sont ils à l'ont dépassé 260. en 3 ou 6 heures, et ils ont fait, ouais, presque 300 000, je crois. Ouais, c'est marqué qu'ils l'ont dépassé en 5 heures, et là, ils ont eu 260 000 euros. Donc, c'est pas Ouais, mal. c'est énorme. Bah, c'est le meilleur Kickstarter pour les journalistes, en fait, pour la presse ou les médias. Voilà. Donc, ouais, c'est bon succès, mais mérité, en fait, en découvrant leur magazine. Bah, du coup, bah, c'est un bon petit mensuel, ça. Bah oui. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que comme on est en plein été, en plein mois de juillet, on va peut-être pas faire un podcast au mois d'août, début du mois d'août, mais on fera peut-être en début de septembre pour faire un podcast mensuel été, on va dire. C'est un peu con à dire, mais je pense qu'on va faire ça. Oui. Bah, merci à toi, Oshi, merci à toi, Matt, Bah d'être merci à là. toi, Merci merci à à vous. toi. Oui, Et toi j'espère que aussi. la qualité sonore sera bonne, puisque pour nous c'était un petit peu chaotique à Bah pour organiser. nous, c'était bien, c'est pour toi que c'était chaotique. Merci à vous, et puis ben à la prochaine. À la Salut. prochaine, salut. Salut. C'est Ah bon. putain. Je suis en sueur, c'est horrible. Oui, il fait bien Comme tout chaud le là. monde. Ouais. Mais du Oh coup, la vache. t'entendais vraiment rien? C'était vraiment chaotique ou ça va quand même? Voilà, c'est pas terrible quoi. Enfin, bah, des fois, j'étais obligé de vous faire répéter, c'est parce que. Ouais. Bah, je comprenais assez bien, mais ouais, par moments, c'était un peu dur. Bon, tu verras au montage après comment. Oui, En fait, je vais faire en fait, un. il est juste sourd. Ouais, peut-être, ouais. Mais tu galères pas trop avec les montages? Des fois, je réécoute les montages. En tout cas, j'ai écouté beaucoup les podcasts qu'on a fait pour l'euro. Et tu faisais plein de petits cuts, du coup, pour vraiment plus fluidifier la diction, tout ça. Tu dois y passer un moment quand même, où t'as pris En fait, l'habitude. en général, c'est la durée d'un podcast fois deux, en gros. D'accord, On fait Ouais. 2 heures. Donc, bah, c'est pour ça que j'essaie de demander des podcasts plus courts, en fait, quand on enregistre, c'est Oui. un peu moins chiant. Tu m'étonnes. Ouais, parce que j'aime bien, enfin, j'aime pas sortir un truc mal torché, quoi. Ah, mais c'est Donc, bien, hein, que tu fasses, mais ouais. c'est vrai que c'est fou que tu passes tant de temps, tout comme ça. En tout cas, ça rend super bien. Mais à force de faire, j'ai des techniques qui font que c'est plus simple et tout, donc. Bah, c'est cool.